d'ouverture King Diamond avec ce House of God et le morceau Follow the Wolf pour du King Diamond. Pur jus, une histoire inspirée de Rennes le Château, bien entendu, un côté très morbide comme d'habitude dans King Diamond. Voilà pour Overdrive maintenant. On démarre, on aura une superbe interview réalisée lors du Motocultor Festival 2023 à Carhaix. Ce sera le groupe Steven Seagulls, les Finlandais qui font des reprises super sympas, super marrantes. Steven Seagulls que l'on a eu la chance d'interviewer pour la Ferra Rock. Ce sera retransmis ici en intégralité et on aura la chance d'obtenir de leur musique. Pour l'heure, du heavy metal pur et dur dans Overdrive avec le dernier album de Hudo Dirk Schneider, ancien chanteur de Accept, qui nous revient avec son dernier album solo Touchdown, sur lequel il renoue avec son bassiste de toujours, Peter Baltes, qui était dans la nouvelle formation d'Accept depuis quelques années, mais qu'il a maintenant quitté, dont il a maintenant rejoint son ancien chanteur. Touchdown, nouvel album, superbe morceau, très bon duo de guitaristes ici. On s'envoie ça tout de suite, c'est dans Overdrive sur Radio Dio, bien entendu. We have to win inside. Feeling très 80s sur ce Sleeping Away par le groupe Houston, extrait de cet album Relaunch 3 qui vient de voir le jour sur Frontiers Records. On overdrive maintenant, part vers des terres progressives avec le Neil Morse Band et ce The Grand Experiment sorti en 2015. On retrouve un super line-up bien sûr très fidèle de Neil Morse. Sera le batteur Mike Portnoy, bien sûr ancien Dream Theater qu'on a vu dans d'innombrables projets depuis. Il s'agit d'un très bon cru que ce The Grand Experiment, dont on écoutera le morceau titre, donc 5 titres uniquement, dont une longue pièce comme les groupes progressifs savent les faire avec Alive Again. Ce sera sur Overdrive Radio Duo. It's a grand experiment to life. Et sans transition dans Overdrive, ce sera au tour de Induction avec ce A Call Beyond, extrait de leur dernier EP. Ce sera sur Overdrive Radio Dio que ça se passe. We'll be right back. Et on reste dans une verne power metal maintenant dans Overdrive Radio avec Winter Storm qui nous sort cet album Everfrost sur AFM Records. Ce sera encore une fois du metal mélodique et épique comme les Allemands en raffolent tant. Ce sera sur Overdrive Radio 2, Winter Storm. Future is forlorn. The fear. Voilà, pour le groupe Winter Storm, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous avons la chance ce soir d'avoir une interview de Steven Seagulls, les Finlandais de Steven Seagulls. Je les ai rencontrés du côté du Motocultor Festival, bien sûr pour la Ferra Rock, avec une très chouette interview réalisée en camion, avec le camion de la Ferra Rock, et pas mal de radio partenaire, Radio Béton, Le Tour, Fréquence Mutine à Brest, PFM de Arras, et bien entendu Radio Pulse d'Alençon, pour ne pas les nommer. C'était vraiment super super cool, et on va diffuser ça tout de suite. Bien entendu, ça a été enregistré en festival et doublé par mes soins. On enchaînera bien entendu par une cover, un classique réenregistré par le groupe finlandais, comme ils savent si bien le faire. Okay, so down from tout Finland, droit venu de Finlande, j'appelle les personnes qui ont Pantera tourné Pantera bluegrass, en bluegrass, AC/DC en country, le mythe, la légende, Steven Seagulls. Alors les gars, comment ça va ce soir? Well, hello, we're doing good. Merci, just nous arrived ça va. Here on in vient France. Tout juste d'arriver en France. And, on est parti très tôt de Finlande to the show tonight. Et on attend le concert avec grande impatience ce soir. Yeah, we're looking forward. On attend ce concert avec beaucoup d'impatience. On espère qu'il va pas trop pleuvoir. Here, so. Ça arrive qu'il pleuve ici. So the mix le mélange de musique country, de bluegrass et de rock est un véritable trademark de la musique de Steven Seagulls. Comment est-ce que vous avez développé ce concept et qu'est-ce qui a été attractif dans chacun de ces genres? Well, I guess everything started, tout a commencé aux alentours de 2010. As a side project, en tant que side some project, of the guys had a band, and they needed to do like a couple of shows. They played like country, western, spaghetti western, all kinds of stuff western, like that. And then around 2013, 2014, 2014, it started to go more and more towards acoustic stuff. And it's kind of nice to de transformer turn the metal des songs into chansons acoustic metal songs because there's so good riffs and everything like that. So, a quelque chose de so I guess the attraction is that you can make the songs a little bit different, but in the end they're going to be aggressive because they're aggressive mais toujours aggressive. Yeah. Over the years, Steven Seagulls have used a wide array of traditional instruments. Différents. What is the most lequel unusual le plus one you have ever used? Que vous ayez jamais utilisé? Well, maybe kantele. Peut-être le kantele, l'instrument traditionnel finlandais. Instrument. L'instrument à cordes finlandais. Yeah. That's like a really traditional c'est quelque chose de très traditionnel. So it's not really used in popular et pas music. Vraiment utilisé outside ailleurs. Of Finland. Même dans really la musique populaire finlandaise. Not finlandaise. Even in Finland that much, but okay, okay. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour Steven Seagulls? Une grande scène comme celle du Motocultor Festival aujourd'hui, ou alors le confort d'une petite cabine finlandaise? Of a cozy cabin in Finland. I think both of those have chacune de ces situations a son bon et son moins bon côté. Cons, but, on est bien sûr très confortable dans notre petite cabine en Finlande, actually, qu'on adore. Mais également, on adore jouer sur une grande scène et ressentir l'énergie also, du public. It doesn't affect so much, mais pour nous, ça reste un concert. Yeah, it kind of changes the atmosphere, though. Bien entendu, ça change l'atmosphère. The club shows, the smaller club shows, are les always really sweaty and really like sont tense. Un peu and then bigger intense. Festivals, you can et sometimes when there's a really big crowd, you get like a super punch of energy audience, right to your une stomach. Grande énergie également. It's they're both pretty good. C'est assez with bon the crowd côté. Chanting avec le public Thunderstruck, qui chante of course. Thunderstruck yeah. En cœur, bien entendu. It seems like you have a great relationship with France, playing shows even in remote places, jouant d'ailleurs and dans small, des petits endroits, small des petits villages, so et en how faisant have de you come longues to play tournées. Comment so est-ce que vous avez développé cette relation? I think it was 2015 we played in how do you pronounce it? Rennes, Rennes, of course, which is Transmusical festival, Transmusical. That was our first show here, c'était and after that we ended ici. Up getting a really good connections here, and we've been doing public. Club shows, festival shows, et on a and like you say, dans des sometimes in really interesting small places, small villages. des petits villages, and, des petites villes. I don't know, for some reason it's always a really good party when we play. Et c'est une superbe ambiance quand on joue à chaque fois ici. Bien entendu, Steven Seagal, c'est un vrai groupe pour faire la fête. Even though même si vous prenez ça, bien sûr, sérieusement, c'est toujours super sympa et super marrant quand vous jouez. So during the pandemic, you durant have la pandémie, vous avez développé une série de vidéos qui s'appelait Seagull's Nest. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont ça a été créé et quel était vraiment l'objectif avec ces vidéos? Nous voulions faire quelque chose pendant la pandémie. Bien entendu, on ne pouvait pas jouer, on ne voulait pas disparaître pour autant. L'idée a germé. En fait, dans un bar. There was, après un concert. I think it started after a few beers après in a bar. Quelques bières, en fait. Because after a gig, we après were un concert, started to plan that we should. On avait pour idée de construire notre propre cabine. I think it took only et like ça one a pris week qu'une semaine à notre accordéoniste à tout organiser. It's gonna be done very soon. Yeah, with guests. Avec des invités. Yeah, it developed to that way also that we should invite guests. And, yeah, I think début, first we had an idea of just making a music video there. Yeah. Then et puis, more beer was involved and then we ended up getting the idea on that maybe we should ask Finnish musicians to come and join us. That was a good thing to do during the pandemic that kept us busy. Yeah, because we, I think the total, the longest break we had to take was 6 months that we didn't have any shows. So it was a good way to keep the band active and keep playing together and stuff like that. And, et en faisant des choses différentes de clips que vous avez pu faire précédemment. Of course, en ayant des interviews invités, and, faisant and having des guests interviews. And playing maybe with Tarja de Nightwish, par exemple. Nightwish and Timo Kotipelto Timo Kotipelto de Stratovarius well. Également. Yeah, definitely. Are there still songs you would like to cover? Est-ce qu'il y a encore des morceaux que vous aimeriez reprendre? Plenty of songs we will and je crois qu'il y a des tonnes de morceaux à reprendre. Yeah, we've been working on our fifth on album. On travaille now. Actuellement sur notre cinquième album. On the last album. Three albums we've also had like original et songs. Et sur les albums between précédents, the, on avait quelques rearranged morceaux classics originaux. And we recorded six songs for the next album. Pour l'instant, and on a both enregistré some six covers morceaux and some originals, avec but, des reprises et puis yeah, like des morceaux said, originaux. Plenty of good songs to mais je pense qu'il y a work tout le temps on, des bons. It's always a surprise. C'est sometimes toujours une surprise it doesn't de work. Voir si un morceau sometimes fonctionne works. Ou pas. Donc so we'll au mois de janvier, happens. On va voir we're comment going ça va se passer. Studio, back to studio in January, so. Is there a limit of style? Est-ce qu'il y a une limite de style que vous ne toucheriez pas? Touch, you know? Ou alors, or pour vous, like c'est limitless. Open bar et sans there limite. Might be some personal issues certains with musiciens some du groupe ont peut-être certains problèmes avec certains styles ou certains groupes. I think there's no limit. Mais pour ma part, il n'y a pas de limite. I think there's some limits. Pour ma part, je pense like qu'il y a des limites. Yeah, of course. Je ne sais pas, certaines mauvaises chansons de pop, je ne me vois pas vraiment les reprendre. Can everything est-ce que be tout turned peut être transformé en une chanson de country ou de bluegrass? Je pense que c'est possible, mais je ne sais pas can, si ça sonne bien. Sure if it sounds good. Okay, so one last question. Une dernière for today. Question pour are ce you soir. Ready for est-ce the tour que vous in êtes prêt pour la tournée weeks, months? En Amérique yeah. Qui arrive yeah, dans quelques are, semaines? Actually, this summer has cet been pretty été a connu un weird rythme and wild. Intense. We've been doing shows like today that we come on from Finland for the festival show and then we fly back to Finland for another one or some other exemple, country. So it's going to be nice to stay in the tour bus for 4 weeks and just kind of settle down there and do that proper donc, good old touring that you're driving rester from time to next. And, dans you know, un tourbus yeah. Pendant 4 so semaines yeah, et d'établir notre yeah, petite maison dedans. Yeah, that's going to be interesting. So thank you, Steven Seagulls, for today. Showtime is Waterfast 11 p.m. So be ready. Motoculture, that will be fiery show to end the first day of a festival. Thank you guys. Thank you very much. Merci beaucoup. Take care. to burn, and I'll rip your heart in two. Yes, Steven Seagal, super sympa en interview, c'était dans Overdrive Radio Duo. On continue avec le trio fou de Nuclear Power Trio, Wet as Plutonium. C'est sorti sur Metal Blade il y a de ça quelques mois. Un petit retour sur cet excellent trio de musique instrumentale assez frappadingue. Ici, bien entendu, on a King John One à la batterie, Donald Trump à la guitare et Vladimir Poutine à la basse. Bien entendu, c'est un pastiche. Ils nous font une musique, on va dire, metal fusion, vraiment aux petits oignons. Et on s'envoie tout de suite le morceau titre avec Wet as Plutonium. We'll be right back.

Yes, très direct et incisif. Children of the 666, extrait de cet album. ABS par Forest in Blood. On devrait encore en parler dans les prochaines semaines. Donc restez à l'affût si le reste est du même acabit, bien entendu. Cadaver, maintenant, extrait de cet album. The Age of the Offended, qui voit le jour sur Nuclear Blast. Ce sera le morceau Scum of the Earth. Et là aussi, ce n'est pas vraiment une comptine pour enfants. Yes, tout de suite, Scum of the Earth par le groupe Cadaver, et on continue avec le Tempt Fate avec God Hands Here, extrait de cet album Holy Deformity. Ce sera encore une fois sur Overdrive Radio Duo. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Wake up, gathering, dreaming to find. Rock and roll out of the water. Yes, le groupe Tempt Fate maintenant dans Overdrive. On continue avec du métal extrême, cette fois un peu plus lent, un peu plus progressif, avec Horrendous qui voit le jour sur Season of Mist, cet album Ontological Mysterium. We'll be right back. d'entendre Horrendous et on va se quitter avec le projet Silent Skies, Silent Skies, le chanteur de Ever Gray, Tom Englund accompagné ici dans un duo au piano. Ça sort sur Napalm Records et ce sera super sympa, donc ce sera diffusé dans les prochaines émissions. Merci encore à l'équipe du Motocultor et Steven Seagulls pour la chouette interview diffusée. Et on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive Radio Dio pour retrouver les podcasts des émissions, etc. Merci. Ciao. Bye bye. Maybe I was hurt but acted strong. And when we were drifting back.